Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté le complexe ophtalmologique du Gyeong nouvellement construit en compagnie des cadres responsables du parti et de l'armée, y compris Choi Ryong-hae. En regardant le panorama de l'hôpital, il a déclaré « On a fixé l'emplacement de l'hôpital en janvier dernier et déjà l'hôpital magnifique est dressé. La façade du pavillon pour les malades qui viennent en consultation, qui se trouve à l'entrée de l'hôpital, figure l'œil de l'homme et sur le mur extérieur du pavillon d'hospitalisation est appliqué le tableau d'acuité visuelle. » Et il a affirmé avec un large sourire qu'à voir seulement l'apparence, on pense que c'est un hôpital ophtalmologique spécialisé. Il a dit que le secteur de Munsu, où sont concentrés l'Institut de la tumeur mammaire de la maternité de Pyongyang, l'hôpital de stomatologie du Gyeong, l'hôpital pour enfants Hongnyu et autres hôpitaux, est devenu un meilleur quartier d'hôpitaux avec le complexe ophtalmologique du Gyeong moderne, qu'il est vraiment content à imaginer la joie du peuple de bénéficier pleinement du régime sanitaire socialiste sans aucun inconvénient. En visitant le pavillon pour les malades qui viennent en consultation et le pavillon d'hospitalisation, il s'est renseigné en détail sur la construction et les caractéristiques techniques des équipements. Il a dit « On a bien élaboré le projet et la construction est au niveau suprême. Selon l'intention du parti, grâce à l'accord des unités d'activité chargées du dessin, de la construction et de la gestion, on a érigé un centre de service médical impeccable du point de vue de l'esthétique, du confort et de l'utilité. L'atmosphère des halls de repos et de communication aménagés décemment et de l'ensemble des salles de soins et d'hospitalisation me plaît. Les équipements et les meubles sont disposés harmonieusement et la décoration intérieure aussi est bien faite de façon à faire valoir les caractéristiques de l'hôpital ophtalmologique spécialisé. Les équipements sont très modernes. Tous les meilleurs équipements du monde nécessaires au traitement ophtalmologique sont installés. Pour faire du complexe ophtalmologique du Gyeong édifice énergie effective et édifice vert, on a adopté le système de réfrigération et de chauffage basé sur la géothermie et installé des panneaux solaires. On a même aménagé un jardin pour le repos des hospitalisés sur le toit en terrasse. On a bien fait. Le camarade Kim Jong-un a fait le tour du magasin de lunettes de l'hôpital. Il s'est exprimé très satisfait de l'avoir aménagé à merveille en vue de permettre à l'hôpital de remplir comme il faut sa mission d'hôpital spécialisé et aussi la mission d'un centre de service médical multifonctionnel. Il a fait remarquer. Les rayons sont remplis de lunettes de toutes sortes, surtout lunettes pour hommes, femmes, enfants, cyclistes, sportifs et nageurs, et lunettes de soleil, d'accessoires, d'appareils d'optique. Si le magasin ouvre sa porte, le peuple sera vraiment content. La salle de mesure d'acuité visuelle, la salle de correction, la salle de traitement sont aménagées admirablement dans le magasin pour assurer le caractère scientifique, la gentillesse et la rapidité du service. Le camarade Kim Jong-un a précisé les tâches posées par l'entretien et la gestion de l'hôpital, notamment pour amener le personnel, y compris les médecins et les serviteurs, à faire preuve de la responsabilité et améliorer constamment la qualité professionnelle en vue de bien faire le service médical, pour bien organiser le travail destiné à tenir l'hôpital toujours propre sur le plan hygiénique et culturel, et à entretenir les équipements et les meubles avec soin. Il a ordonné à l'unité d'activité concernée d'aménager un procédé technique moderne pour la production des montures de différentes formes, conformes au goût des clients. Il a estimé le complexe ophtalmologique du Gyeong comme un hôpital digne de nom, d'ordre mondial et du peuple, dont tout est satisfaisant et que l'on peut vanter devant les autres. Avec joie, il a dit que l'on a fait ce qu'il désirait faire sans manquer pour le peuple, que son vœu pour le peuple est exaucé encore. Il a apprécié que le complexe ophtalmologique du Gyeong est dressé grâce à l'estime, au respect et à l'amour du peuple du Parti du Travail de Corée, qui accorde la priorité à l'esprit de service dévoué au peuple, et que c'est une création honorable de l'époque du Parti du Travail qui manifeste le vrai aspect de notre patrie en métamorphose à un rythme toujours accéléré. Il a estimé haut le mérite du travail des cadres et bâtisseurs de la direction de construction 8 et des services de dessin qui ont construit comme il faut l'hôpital selon l'intention du parti. Il a dit « En comptant cet hôpital, nous avons construit chaque année un centre de service médical moderne depuis quelques années. Si le parti prête toujours une grande attention à renforcer les bases matérielles et techniques du secteur de la santé publique, ce n'est pas parce que le pays est riche, mais que c'est une affaire importante pour manifester avec force la supériorité du régime sanitaire socialiste de notre pays, où le parti et l'État sont entièrement responsables de la vie et de la santé du peuple, et pour défendre le socialisme. » Le camarade Kim Jong-un a ordonné de faire plus d'efforts pour se préparer à la gestion impeccablement, d'organiser l'inauguration en fin d'octobre et de commencer la gestion à partir du 1er novembre, du fait que le peuple compte les doigts en attendant le jour d'ouverture du complexe ophtalmologique du Gyeonggi.